machiniste. Jossman, left sound, la loge, Vova. Hey, hey, comme un X-Men. Ah, j'suis passé par X-Merde, tout est camouflé. Putain, si ça avait la vie que j'mène. Une chose est sûre, c'est vrai que j'avance, mais putain, gros, c'est dur. Merde, j'ai du père. Dans ma tête, c'est la rude guerre, mais j'ai eu du flair. Oh, pour dénicher la procédure. J'ai ma vie de monter, contente pas mon ego à te raconter les trucs durs que j'ai vécu. J'passe mon temps à kicker, à taper, mérir mes structures. Mes humeurs fluctuent pour le futur, pour ce soir fructueux. J'sais que j'suis chaud, donc j'ai pas froid aux yeux. J'sais que j'suis talentueux. J'sais aussi que j'irai loin parce que j'y crois et j'ai foi en Dieu. Plus tu fais les choses bien, plus t'es mal aimé. Cours après les femmes, après la gloire, après la monnaie, mais l'argent ça dure pas comme une coupe de cheveux. Mais y'en a qui le gaspillent dans des courses de chevaux. Hey, faut que les menus maxi best of. Négo, négo, je rêve de prendre le taxi dès que je sors. Je domine les négros, reste assis dès que je saute. Tu verras quand je taperai fit avec Martin Exor. Reste dehors, mec, j'dors. Ah, baisse leur gars. On fait ce qu'on peut avec le peu qu'on a. Regarde le feu qu'on allume. Les MC viennent et repartent avec une maladie, ne sont qu'on y a. Le rap, la zik, l'art en général. Tant que tu bosses, faut juste patienter, c'est chacun son tour. Moi je suis là, je suis juste venu prendre ma place. Je veux être placé comme un prévisible. Mon arrivée est imprévisible. Le rap français demande du changement. J'en viens faire du rangement. Tu ressens une pression étrange, non? Tu sais déjà qui sera le boss, motherfucker? Tu sais déjà pourquoi je bosse, motherfucker? Tu sais déjà qui sera le boss, motherfucker? Tu sais déjà qui sera le boss? Dans ma tête, c'est le delbord, delbord, je déborde d'énergie et d'imagination. J'écris des phases tirées par les dreadlocks. Je m'exprime, je m'exclame, lance-flamme jusqu'à ce que c'est plus de pige. Mes lyrics tirées jusqu'à l'iris et dilatées pupilles. Mais plus tu fais les choses bien, plus t'es mal aimé. Cours après les pommes, après la gloire, après la monnaie, mais l'argent ça dure pas comme une coupe de cheveux. Mais y'en a qui le gaspillent dans des courses de chevaux. Hey, et j'ai même pas besoin de me surpasser pour les surclasser. J'ai juste assez de flow pour les noyer comme des crustacés. Hey, t'inquiète pas, tu verras. Si tu m'avais pas encore vu tes mains à la première écoute, je sais que t'as eu très mal. J'suis venu mettre les points sur les i et sur les u très mal. Je te demande pas pourquoi ils veulent tous voir Joss. Motherfucker, tu sais bien que c'est moi le boss. Tu te demandes pas pourquoi ils veulent tous voir Joss. Motherfucker, tu sais bien que c'est moi le boss. Je veux être placé comme un prévisible. Mon arrivée est imprévisible. Le rap français demande du changement. Joss vient faire du rangement. Tu ressens une pression étrange, non? Tu sais déjà qui sera le boss, motherfucker? Tu sais déjà pourquoi je bosse, motherfucker? Tu sais déjà qui sera le boss, motherfucker? Tu sais déjà qui sera le boss? Hey, just fucking man.